Les requins ont un regard honteux. Ils ont 2 siècles de retard. Nico, bafouilleur, menteur. De 300 ans, on a d'avance, nous. À rire, on a la bruyère avec nous. La bruyère avec nous. Le match est gagné, le match, la culture. Je veux même pas abuser de ma force, de mes avantages. On a la bruyère avec nous, la bruyère avec nous. Mais je m'amuserais mieux qu'hypocolle, sans facel ni croûte. Je visionnerais comme un pape, je le dis, je le dis. Si j'avais pas le moyen non plus noué par la grotte sèche dysentérique, si j'avais pas l'ouïe assourdi par des hordes de trains express, je serais béat, mais je me suis déjà plein 1000 fois. Je me plaindrais encore, je me plains de tout, je me plains que vous partiez à la guerre, que je peux pas vous en. En colique ridicule, sans armes, sans drapeau, et que vous me dévalisez en plus, et que vous me foutez en prison, et me faites emporter en brouette, au cadou d'achère, finir en poire au primeur, ai-je chevaleresque? Ai-je chevaleresque? Je vous ai indiqué Roland, Pépin, le bref, Bayard, basta. Vous avez rien retenu du tout. Les poireaux, la fouette, voilà. S'ils viennent me rechercher, je refuserai, je sortirai plus, je me raccrocherai. Je briserai la tête, moi je peux, je suis pas comme putois, je connais toutes les provocations, je connais Louis XV du soupirail qui m'invite à le caresser, je ne le caresserai pas, beau prisonnier, je t'adore, il me convoit-il mieux d'assesseur lubrique, imposteur, cochon noir. Sonne le clairon, mais ma conscience.